Je peux rester des heures éveillées à regarder mes idées passer, mais j'ai choisi la facilité, surtout ne pas les arrêter, surtout ne pas les arrêter. J'ai trouvé une solution pour être sûr d'avoir toujours raison. Je suis avide d'informations, je distille comme des dictons, je distille comme des dictons. Car il n'est pas de bon ton partager des opinions, sauf si cela correspond à ce que dit la télévision. Et il est déconseillé de montrer qu'on a des idées, surtout si leur perversité risque de nous réveiller. Les principes pour être admis n'ont pas besoin d'être compris, il leur suffit d'être à la mode, communiquer devient commode, communiquer devient commode. Car il n'est pas de bon ton de partager des opinions, sauf si cela correspond à ce que dit la télévision. Et il est déconseillé de montrer qu'on a des idées, surtout si leur perversité risque de nous réveiller. Est-ce qui nous lie par millions, mais que rarement l'intimidation, mais plutôt regarder le ballon, le story, allez on prend position, allez on prend position. Car il n'est pas de bon temps de partager des opinions, sauf si cela correspond à ce que dit la télévision. De montrer qu'on a des idées, surtout si la perversité risque de nous réveiller, risque de nous réveiller. Oh. Merci.